Oubliez les grands cartels centralisés comme le Sinaloa ou Los Zetas. Aujourd'hui, le crime organisé au Mexique s'est fragmenté. Des dizaines de groupes régionaux se disputent les territoires. Extorsion, trafic de drogue, traite d'êtres humains. Chaque État, chaque ville, parfois chaque quartier, est contrôlé par un acteur différent. On ne parle plus d'un seul cartel, mais d'un archipel de violence, imbriqué jusque dans les structures du pouvoir. Bienvenue dans la nouvelle géographie du crime au Mexique.